ouais c'est Z, Z, Z, Z comme Zet là. Z, Z, Z comme une Zodiac. C'est Z, Z, Z comme un Zodiac quoi. C'est Z, Z en guise de gros œufs pour l'état. Et ouais c'est Z, Z en mode D, Z. En mode Y, Z. C'est Z, Z, fais péter le joint Z. C'est Ziki, Ziki, Zeller, paix à mon bled. Z, comme Tizou Zou. Z, Z comme un Zouzou. Z, comme mes agouts. Enfermé en zonzon mais toujours debout. Et ouais c'est Z, Z, y'a la zid. Z comme je flou, Z comme Zivu. D'où je viens, on est tous fous. Z, comme Z taneuse. Toujours prêt pour péter un coffre à coups de perceuse. Nos plats sont cramés, tout compté au carré. Armée déterminée, seul le team peut nous calmer. L'état nous a tanné, trop empanané pour damer. Trop sont condamnés, pour la monnaie. Nos plats sont cramés, ma sauce est pas mérine. Alcool trop dans les urines, ça carbure à la torée. J'évite les packs, spectacle à la Messi. Encore en vie, c'était un miracle, alors Dieu merci. Si je pense qu'à m'évader, c'est que c'est mort ici. Mais avant la concurrence crèvera d'anorexie. Mon nom c'est Z quoi. Z comme zoneur, malheur, valeur, killer, bigger. Big up à la lourdeur. Z comme zonard, si tout le Z ou Zona. Fais pas de chelou, sinon c'est cassage de chebou. Nos plats sont cramés, tout compté au gamé. Armée déterminée, seul le team peut nous calmer. L'état nous a tannés, trop empanané pour damer. Y'a aucun mec de la rue, ni à personne en fait. C'est simple, je prends exemple que sur mon prophète. Une place au paradis frère, c'est tout ce que je souhaite. Comprends que j'en ai rien à foutre d'être dans la foule et de faire la fête en fait. Envoie la recette si tu veux pas que ça pète. Vitré sur scène, tape dans les banquettes, pas dans la zipette. M comme matinal en survêt. Pas pour un footing, mais pour arracher une mallette. M comme mallette. Je tourne en rond, c'est pire qu'en promenade. Le quartier c'est une grenade. Faut des goupilles à chaque humeur, Mosa. M comme un tas de dépôt qui sèche, finir la tête en maison carrée. Nique les maisons de repos. Tu kiffes la zig, c'est magique. Roule un stick, décris-nous la street. Et si tu perds, c'est pas l'amnésique. M, parce qu'on sera les mêmes, même au bord du gouffre. Qu'ils nous aiment ou qu'ils nous craignent, demande à Raoult. Nos plats sont cramés, tout compté au gamé. Armée déterminée, seul le team peut nous calmer. L'état nous a tannés, trop empanané pour damer. Trop sont condamnés, pour la monnaie. Nos plats sont cramés, ma sauce est pas amérine. Alcool trop dans les urines, ça carbure à la torée. Sachez qui charge le cul de Corinne. En revenant d'Amsterdam, rien à marre des centimes.